Alors Gervasio, qu'est-ce que c'est le candombé? Oui, bonsoir, donc chers amis de Radio Libre. Le candombé, c'est en fait un mot qui est dérivé du préfixe K et ndombé. C'est de la langue peuple angolais, ou bien de la langue et dialecte Kimbundu, qui est une ramification de la langue bantoue parlée au Congo, en Angola et dans différentes régions de l'Afrique du Sud. On peut dire qu'étymologiquement, les vocables seraient un apport bangela, du fait que ce peuple ndombé, donc peuple angolais, a été le plus nombreux et le plus important en nombre qui a connu le plus de notoriété à Montevideo. Donc en fait, le candombé, comme je viens de dire, l'origine, ça s'est passé donc en Uruguay, qui est avec une population d'environ 3,2 millions d'habitants, est un petit pays situé en Amérique du Sud, encadré par ses deux voisins, le Brésil, avec 162 millions d'habitants à l'est, et l'Argentine, 34 millions d'habitants à l'ouest. Donc ce rythme est en fait arrivé d'Afrique en Uruguay avec les esclaves noirs, et il est toujours très présent dans les rues, les salles de concert et les carnavals dans ces pays. Et quelles sont les origines de cette population? Bon, en fait, les racines de cette population n'étaient pas homogènes, mais plutôt un mélange multiethnique de l'Afrique qui était culturellement très différent. Par exemple, 71% étaient issus de la zone bantoue, d'Afrique orientale et équatoriale, alors que le reste venait de la zone non bantoue d'Afrique occidentale, la Guinée, le Sénégal, la Gambie, la Sierra Leone et la Côte d'Or, aujourd'hui le Ghana. En fait, la zone bantoue est une énorme région culturelle de l'Afrique avec une mosaïque extrêmement complexe des appartenances ethniques, se composant de plus de 450 groupes avec un héritage linguistique qui accable les limites migratrices de l'homme, plus de 20 groupes linguistiques et 70 dialectes. Pour donner un exemple, on suppose qu'au moins 10 millions de ebony pieces, donc en anglais pièces en ébène, ont débarqué sur les côtes du nord et du sud de l'Amérique. Ceci implique un génocide de 60 millions d'âmes. Si on considérait que seulement une sur 6 victimes de ce trafic humain n'est jamais atteint vivant les ports où ils devaient être acheminés. Pour bien comprendre en termes démographiques, il faut savoir qu'au début du 19e siècle, Buenos Aires avait une population de seulement 50 000 habitants. Et en résumé, comment ça s'est passé en fait l'introduction des Noirs en Amérique latine et dans le Rio de la Plata? En fait, démographiquement, les premiers Noirs arrivés en Amérique ont débarqué lors du deuxième voyage de Christophe Colomb. La première expérience de déportation des Noirs en tant que main-d'œuvre peu chère dans ces continents date de 1510. La première autorisation formelle de l'affaire remonte à 1532. On se demande encore si les premiers Noirs à débarquer sur le Rio de la Plata, fleuve d'argent, furent introduits par Hernán Darias, qui était en espagnol, qu'on appelait adelantado. C'était des représentants du roi qui ont leur donné des pouvoirs pour faire les expéditions en Amérique. Donc si c'était Hernán Darias qui les a inclus dans son testament ou avec l'expédition de Juan Ortiz de Zárate. Dans tous les cas, ce fut avant le premier quart du XVIIe siècle. On sait par exemple que, de façon certaine, qu'un esclave du nom de Gregorio était crieur public 2 ans après la fondation de Montevideo en 1728. Alors jusqu'à 1738, il n'y avait que des esclaves introduits à titre personnel par leur maître. Ce n'est que par après qu'on a introduit juridiquement l'introduction des Noirs ne fut pas très importante jusqu'à 1595, mais il a été substitué par des licences d'introduction des Noirs. Entre 1595 et 1787, donc, l'arrivée des contingents des Noirs, il est très fort augmenté. Quoi. Même s'il existe toujours une importation clandestine, en plus de celle autorisée, l'entrée massive des Noirs donc, prend une grande ampleur avec les capitulations Donc, il négocie l'introduction d'un très grand nombre d'esclaves dont le trafic est désormais libre et exempt d'impôts, entre 1687 et 1812. Il y avait donc les licences, et puis les établissements, l'installation des Noirs à Rio de la Plata. Mais donc à Montevideo, le Montevideo a le monopole de l'introduction des Noirs par le Rio de la Plata, suite aux dispositions royales de 1789, 1791, 1801 et 1809. C'est fait là les conséquences démographiques ne se font pas attendre. Le recensement de Montevideo, par exemple, effectué en 1805, indique 3114 Noirs sur une population de 9359. Donc, les Noirs, qui représentaient 15% des habitants de la population de Montevideo en 1751, passent désormais à 33% en 1805. Mais en 1813, ça marque la fin de la période de floraison démographique de Noirs à Montevideo. Et ils sont désormais 14 000 sur les 21 000 résidents, soit 66% de la population. On disait donc qu'en 1813, il y en avait 14 000 Noirs sur les 21 000 résidents. Et en somme, donc démographiquement, les Noirs de 1751 à 1813, c'est-à-dire en 62 ans, multiplient par plus de 4 leur représentation en pourcentage de la population de Montevideo. Leur contingent est multiplié par 100 en nombre absolu à Montevideo, la population est multipliée par 25 durant cette période. Une recherche devrait alors être entreprise pour répondre à la question suivante. Comment est-ce possible qu'à Montevideo, a-t-on réussi à réduire 150 ans plus tard les contingents de Noirs, les faisant passer de 66% de la population à un pourcentage inférieur de 10%? Cette question s'explique notamment par le fait qu'il y a eu une immigration massive européenne, il y a eu une ghettoisation, donc des ghettos, et une discrimination sociale et économique. En fait, il s'agit, en fin de compte, d'un génocide indirect peu étudié, qui non seulement n'est pas facile à comprendre, mais et que les responsabilités historiques sont difficiles à établir, comme c'est le cas en ce qui concerne aussi les massacres des derniers Indiens charrouas habitant la région par le frère du premier président uruguayen, Bernabé Rivera, qui est aussi un chapitre noir de l'histoire de l'indépendance ou le début de l'État uruguayen en 1828 et les années suivantes. Alors quand et comment est-ce que le candombé est né? En fait, le candombé, c'est une autre histoire. Le candombé a été la synthèse, une amalgame de plus de 20 peuples africains, dont les membres de cette population furent amenés par la force de leur terre. Donc, comme on vient de le dire, en 1800, les Africains de ces différents peuples se réunissaient tous les 6 janvier pour invoquer leurs entités spirituelles par l'intermédiaire de la figure catholique de Balthazar, roi mage afro, sans éveiller les soupçons des autorités et des maîtres. Au début du 19e siècle, les chants et les danses étaient réalisés sur la Plaza du Marché, la Plaza del Mercado, et au Cubo del Sur, c'est la zone de la vieille ville, quoi, la zone du port, qui faisait face à la mer dans les côtes, les côtés sud. Il se tenait particulièrement entre le 25 décembre et le 6 janvier, des dates durant lesquelles les autorités les permettaient qu'ils fassent cela, précédé des visites de courtoisie et des hommages dans les habitations des principaux dignitaires. Elle se répétait de manière sporadique lorsque l'occasion se prêtait, même si cela... Si c'est cela qui donna naissance aux protestations répétées des voisins et par conséquence aboutissait à l'interdiction du conseil municipal dans les premiers temps et de la police par la suite. Le candombe est le nom générique que l'on donna aux différentes danses d'origine africaine sous cette terre. Chacun de ces plus de 20 peuples avait sa langue, son mode de vie, sa vision, ses sentiments, sa culture, ses danses et ses chants. Le candombe est le produit d'une unification en un concept unique. Et quand est-ce que l'esclavage a été aboli en Uruguay? En fait, les licences d'importation de c'était la traite des êtres humains, quoi. Les licences sont temporairement interdites en 1550, car on craignait que les coutumes et la morale soient affectées par la religion et les danses africaines, ce qui est assez comique. En fait, assez proche allait se produire à Montevideo dans les années 80, mais ça c'est 1980, hein. On passe de quelques siècles. Alors que l'utilisation pour la construction d'un monument à Yemanja, qui est la Yemanja, c'est en fait une divinité africaine Yoruba, très présente dans les cultes des afro-descendants d'Amérique latine, notamment au Brésil et aussi en Uruguay. Donc, c'est la construction de ces monuments. Il a dormi pendant des années dans les bureaux gouvernementaux. Ils n'ont jamais obtenu l'autorisation que 1980 et des, quoi. Ça coïncide avec les premiers gouvernements de gauche du Montevideo. Mais alors, la discrimination, il y a eu une discrimination quand même. Il y avait une discrimination socioculturelle. Au départ conçu pour isoler les contingents malades et infestés à cause des conditions inhumaines et d'entassement et d'hygiène des bateaux négriers, se manifeste par la fondation, qui est aujourd'hui le quartier de Capurro, sur la côte aussi, à côté du port. C'est le premier ghetto noir, appelé alors Caserío de los Negros, hameau de noir, quoi. Ils étaient entassés dans cette zone-là pour les séparer du reste de la population. La discrimination socioculturelle prenait dans ce cadre une forme symbolique et favorisa la discrimination économique, qui a reproduit le cercle vicieux de la pauvreté et plus tard celui de la marginalisation. En effet, les danses, les rythmes et rencontres des nations afro-uruguayennes se réduisent à des événements extramuros, aussi conscrits aux ghettos urbains qui ont succédé au Caserío de Capurro, comme les Barrios Sur et Palermo. Là où tu as été filmé, enregistré ces morceaux que tu vas faire écouter tantôt. Alors, les célébrations rituelles sont dépourvues de leur religiosité et transformées en contributions exotiques à l'inversion fin des hiérarchies sociales consacrées par les carnavals. En 1842, arrivera l'abolition de l'esclavage par le gouvernement Colorado, nom d'un parti politique, qui sera confirmé en 1846 par le gouvernement Blanco, autre parti politique important en Uruguay. Les deux grands partis traditionnels uruguayens éliminent l'esclavage avec une précocité honorable comparée au reste du monde. Mais dans le même temps, ils discriminent, ghettoïsent, alimentent les cercles vicieux de la pauvreté noire, feignent l'acceptation culturelle en la transformant en exotisme et en ne permettant aux noirs de briller qu'en dans un cadre social secondaire. Par exemple, joueur de football, oui, boxeur, oui, ministre, médecin et avocat, non. Pour ces raisons, nous devons célébrer avec réserve l'abolition de l'esclavage, qui est important en tant que fait idéologique, mais qui dans les faits est la fait de l'ombre à la discrimination, la ghettoisation, la paupérisation et au génocide massif indirect. Cuando yo siento un tambor, ya no sé lo que me pasa. La sangre se me alborota y el santo me quiere dar. En el centro del sonar hay un tremendo barullo. Suenan los cueros, suenan los parches, a la China Tomasa el santo le da. Cuando yo siento un tambor, ya no sé lo que me pasa, la sangre se me alborota y el santo me quiere dar. En el centro del sonar hay un tremendo barullo. Suenan los cueros, suenan los parches y a la China Tomasa el santo le da. Cuando yo siento un tambor, ya no sé lo que me pasa. La sangre se me alborota y el santo me quiere dar. En el centro del sonar hay un tremendo barullo. Suenan los cueros, suenan los parches, a la China Tomasa el santo le da. Comment le candombe a évolué pendant la période coloniale? Donc on a parlé un petit peu de l'origine, mais on n'a pas parlé comment ça s'est concrétisé dans les faits, cet aspect de la culture noire et des esclaves de cette époque-là. En fait, pendant l'abolition de l'esclavage, c'est un processus qui est lié aussi à cette tradition culturelle, puisque la libéralité, entre guillemets, de la société montevidéenne, Montevideo, a commencé à permettre à ses esclaves la réalisation des rencontres pour fêter à ses rois. Et là, dans ces fêtes, il pratiquait des danses au son de divers instruments. Comme c'était exprimé par une résolution du pouvoir en place à cette époque-là, qui était encore le pouvoir des Espagnols, quoi. Ces fêtes pouvaient se réaliser extramuros. À l'époque, Montevideo, c'était une ville fortifiée, donc à l'intérieur, ils devaient sortir de la ville pour pouvoir faire leurs fêtes, et uniquement les jours de fête jusqu'au coucher du soleil. Ils se réunissaient donc dans des canchas ou des salles à l'air libre, ou des maisons qui étaient en ruine ou cédées dans les zones suburbaines. Et ces locaux, ils appelaient tambos. Ils étaient décorés pour la circonstance et ils arrivaient à ces salles de fête, en fait, habillés en parodiant les vêtements de ses patrons qui tombaient en désuétude et les prenaient. Et s'ils étaient les plus coloriés possibles. Il y avait trois salles qui étaient connues à l'époque. La salle des rois, il y avait l'oratoire avec des images de San Benito, San Baltasar, et la salle de Canjengue. Disons qu'ils se réunissaient par nation. Nation, entendons-nous par la nation africaine, quoi, des peuples. Il y avait la salle Gunga, Gwanda, Congo, Bangla, etc., dans la côte sûre. Et ils concouraient donc avec enthousiasme à présenter ces événements. La fête s'est réalisée en principe le jour de Noël, donc c'était uniquement le jour de fête. Hein. Des jours de fête autorisés par les blancs, quoi, par les patrons, par les maîtres. La fête se réalisait donc en principe les jours de Noël, Nouvel An et le Roi Mage, qui est une fête qui se fête en Amérique latine le 6 janvier. Quoi. Et quelle est l'origine des comparsas, des groupes de tambours et de danseurs? En fait, les nations, donc, comme on vient de dire, qui se réunissaient dans ces salles de fête, avec le temps, ils se sont convertis en comparsas. Comparsas, c'est en fait un nombre de joueurs de tambour, de danseurs, donc, et qui défilent le jour de fête. Et ils se sont progressivement incorporés au carnaval. Ils l'ont fait officiellement en 1870, mais ils ont perdu beaucoup de candombe de l'époque originale, comme danse, en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre candombe, qui est en fait une expression culturelle, son, danse, un syncrétisme de tous ces peuples africains, avec le carnaval. Le carnaval, c'est autre chose. Les candombes, en fait, ils commencent aux environs donc, de 1760, mais c'était à Montevideo très religieux à l'époque. Et il y avait des processions, entre autres celle de Corpus Christi. Et c'est fait justement dans ces processions-là que les Noirs, ils ont commencé à gagner la rue, quoi. Ils étaient autorisés à défiler les jours de la Saint-Valentin ou Saint-Baltasar. Ils étaient autorisés par ses patrons à avoir des congés et de se reposer et se divertir, donc, et se déguiser comme ses patrons, quoi, ses propriétaires, et les imiter. Donc les comparses comme tels, ils ont commencé à apparaître dans la décade du 60 du siècle passé, plus précisément en 1865. Et ils s'appelaient race africaine. Il y avait, on fait, dans ce texte que je suis en train de faire un résumé ici, on parle d'une chanson. Et dans cette époque-là, on utilisait le vocable tango ou tango, comme il se prononçait à l'époque, et qu'il dénominait de telle forme un nouveau rythme musical qui a été imposé par les comparses des Noirs et qui a fait fureur à la marche du Rio de la Plata. Alors l'expression « negros lubolos », c'est des blancs peints des Noirs, date de 1876. Il détaille donc l'apparition d'une comparse des negros lubolos. C'est en fait conformé par des blancs qui dansent et chantent avec la même perfection que les Noirs. Et en 1903, la comparse des esclaves d'Asie, il a promu une rébellion, ils sont rebellés en fait, parce qu'ensemble avec les présidents des agrupations, d'autres agrupations, on donne les noms ici en espagnol, il y a une, deux, une dizaine, ils ont souscrit une initiative dans laquelle ils allaient se présenter nulle part lors du carnaval, lors de la fête du carnaval, si il n'y avait pas une nouvelle catégorie dans laquelle eux ils pouvaient s'exprimer et être reconnus et recevoir un prix en tant que tel. Donc ça c'est déjà un peu le carnaval à l'époque qui commence avec la compétition et la représentation dans différents endroits. Maintenant, on devrait parler un petit peu de llamadas. Donc, pour que le sujet soit plus ou moins bien compris, il y a une expression culturelle des Noirs esclaves qui sont arrivés il y a 200 ans dans la région. L'expression culturelle, c'est le candombe, qui est un syncrétisme, si tu veux, de plusieurs tambours de plusieurs nations africaines. Après, il y a eu les comparses, ce sont des groupes de nations qui se réunissaient, qui faisaient leurs fêtes, qui se sont après intégrés dans les carnavals. Mais il faut parler maintenant, comme on vient de dire, des llamadas. Les llamadas, en fait, ce sont des groupes de tambours qui s'appelaient les uns aux autres. C'est pour ça qu'on appelle llamada. Llamada en espagnol, ça veut dire appel. Et ils faisaient donc sonner leur tambour et ils recrutaient ses adhérents à ces comparsas. We'll be right back. Donc, d'après l'historiador, historien Antonio Plácido, dans le vieux quartier Palermo, c'était le siège de quelques agrupations de comparses très connues. Il y avait une habitude qui était que 3 ou 4 tambours de chaque groupe ils sortaient indépendamment du carnaval pour convoquer ses adhérents par ces quartiers-là et dans d'autres quartiers. Et les adhérents, donc les gens qui voulaient participer, ils s'incorporaient et terminaient par se réunir toujours dans ces mêmes points où s'organisaient ces activités. En 1956, voilà ici le début officiel du défilé des Llamadas. En 1956, l'intendance municipale de Montevideo, c'est la mairie de Montevideo, il a décidé d'officialiser ce défilé qui se faisait en principe le 6 janvier, mais ils ont changé de date. En 1956, ils l'ont mis pas le 6 janvier, ils l'ont fait coïncider plus ou moins avec les débuts du carnaval. En général, carnaval qui est en Uruguay composé de plusieurs autres styles de musique, etc. Donc, et c'est passé le filet de Jamaïque s'est passé en 1956 à la date du premier vendredi du mois de février. Or que historiquement, c'était le 6 janvier. Donc, maintenant, on peut parler un petit peu des comparsas, comment ils sont composés, etc. Donc avant de parler des comparsas, raconte-nous un peu sur les instruments. En fait, bon, le tambour, donc, il existe la base sonore de ce candombe, c'est bien sûr la percussion. Et il existe plusieurs sortes de tambours. D'après Lauro Agestaran, qui est un historien très connu en Uruguay, il répond aux 4 registres de la voix humaine. D'abord, le petit ou le chico, qui est le soprano. Il a une hauteur de 65 cm et un diamètre de la membrane, ou de là où on joue le cuir, donc, de 62. Le repique, qui est le contralto, il a une hauteur de 70 cm. Il y a un diamètre de 20 cm. Le piano, ou le piano, c'est le ténor. C'est plutôt le baryton, en voix. Hein. Il a une hauteur de 73 cm et un diamètre de 24. À l'époque, il y avait aussi un quatrième type, qui était le bombo, qui correspond à la basse, avec une hauteur de 78 et un diamètre de 27 cm. Mais aujourd'hui, il est complètement tombé en désuétude. De ceux qui sont nommés comme tambours, ils tissent un échange rythmique. Ces dialogues se font en marchant et sont connus comme llamadas de tambour, s'appellent les tambours. Leur parcours se fait traditionnellement dans les quartiers de Sur et Palermo à Montevideo. Donc, on répète, donc le tambour piano, c'est comme le gaucher du candombe, le tambour le plus gros. Il fait la partie de la basse. A un son grave et un pattern continu, mais il peut toutefois improviser. Puis, le petit, le chico, le tambour petit, c'est la colonne vertébrale du candombe, celui qui tient le tempo, il joue toujours pareil et droit. Le tambour repique sonne un peu plus grave que le petit tambour, c'est le tambour qui fait les solos. Celui qui improvise, celui où il est possible de remarquer la dextérité des tamborileros, les joueurs de tambour. Chacun a son expression, il donne le toucher et la couleur, le repique est celui qui raconte. Avec son toucher, il suggère des choses, comme baisser ou hausser le rythme ou annoncer la fin. Le repique commande, parfois aussi le tambour piano peut dicter certaines choses. C'est une conversation passionnante, il faut bien sûr l'écouter. Dans les comparsas, par exemple, les tambours sont joués par des groupes de 30 ou de 100, chacun joué par un percussionniste. Donc, chaque groupe il a 3 types de tambours, qui peuvent être donc une trentaine de chaque type, etc. Et donc, dans les comparsas, il y a aussi les danseurs qui dansent sur la musique. Qui sont ces personnages? Donc, au fur et à mesure que le candombe évolue, il perd une partie de ses éléments religieux africains. Son instrument principal, comme on vient de voir, le tambour, a survécu. Et aussi quelques personnages typiques regroupés au sein de la comparsa. Comparsa Negra ou Lubola. Donc, comparsa, c'est le groupe de Noirs, à l'époque, qui était uniquement formé par des Noirs. Ou Lubola, c'est un rassemblement de Noirs, donc de Blancs déguisés en Noirs. Mais bon, actuellement, la majorité, ce sont des Blancs et quelques Noirs qui sont intégrés parce que c'est tellement devenu populaire. Quoi. Des personnages qui sont survécus, c'est la Mama Vieja, la vieille mère, les Gramilleros, les sorciers, l'Escobero, le porteur du balai, le porte-estandarte, le porte-drapeau, porte-estrellas, le porteur d'un fanion étoilé, et le vol de drapeau, celui qui porte des drapeaux géants. Les personnages donc, du candombe, comme le Gramillero, qui est un noir qui se déguise avec frac et barbe blanche, chapeau et bâton, ou la Mama Vieja, habillée avec crinoline et dentelle, ridiculiser les patrons. Quoi. Quand ceux-ci partaient en voyage, ils prenaient leurs vêtements et ils les ridiculisaient. L'escobero fait des jongleries avec un petit balai. Et les autres portent une étoile comme étendard. Et un autre porte le drapeau, il agite de bas à haut. En fait, le gramillero représente les sorciers de la tribu. L'escobillero, en fait, il prend un balai et il balaie les mauvais esprits qui sont nettoyés par les sorciers. Donc ça, c'est un petit peu les personnages qui sont évidemment très loin actuellement de ce qui s'était c'est devenu un peu différent de ce qui était au départ. Pour concourser, donc, actuellement, il y a le concours officiel quoi, qui se tient, comme je viens de dire, le premier vendredi du mois de février. Pour concourser officiellement, donc, c'est devenu un truc officiel actuellement, qui est intégré dans les carnavals. Pour concourser officiellement, la comparse de Noirs et de Lubolos doit présenter comme minimum 12 tambours, 5 danseuse, une vedette, un escobero, 2 sorciers, 2 mama vieja, 4 porte-étendards, 4 porte-drapeaux, 1 porte-étendard, 1 porteur de lune et 1 danseur. Donc il y a un minimum de 45 membres et maximum de 60, ces données sont. Ils sont déjà vieux parce qu'actuellement, il y a des groupes qui font plus de 60 tambours, rien que des tambours. Donc, il y a plus de 100 personnes qui participent à chaque agrupation. D'après toi, que se passe-t-il depuis 20 ans en Uruguay avec le candombe et les comparsas? Donc, le candombe a été déclaré dans les années 80 folklore officiel de l'Uruguay. Même si l'Uruguay n'est pas un pays raciste que je conteste, il a fallu beaucoup d'efforts pour que ceci arrive. Parler du candombe était avant qu'on parlait du tango, quand il était banni. Cela venait des bas-fonds, des voleurs, des marginaux. Malgré cela, le candombe a toujours été présent dans la rue, mais il était mal vu dans les balles. Il était mal perçu par les gens que d'une certaine élite intellectuelle, ce n'est plus le cas aujourd'hui, car le candombe est très respecté. Il a réussi à ce qu'on lui prête attention et donc il a été valorisé en fait. À partir du 18e siècle, quand les Noirs utilisaient les candombes pour leur rite religieux, il n'a pas été cessé d'être vivant en Uruguay. Depuis le siècle dernier, il est toujours présent dans les carnavals, dans les défilés de l'avenue 18 de juillet et puis dans les quartiers sud de Palermo où se font les llamadas. Certains noirs disent que le candombe venait dans les faubourgs de Montevideo, mais bon, lui, ici je cite un musicien qui s'appelle Beto Satragne, qui dit que lui il est né à Canelone, c'est un département proche, et que quand il était petit, il y avait aussi des groupes de tambours qui jouaient, quoi. Donc chaque quartier a son propre façon de jouer. Ça, c'est actuellement, quoi. Hein. Il y a des différents types de façons de jouer, quoi. Et ça, on voit tout dans tous les quartiers, les gens, quand les jamadas passent, donc la jamada, ça se passe presque tous les vendredis et tous les samedis. Hein. Pas la jamada, mais la jamada officielle, c'est en février, mais disons qu'il y a des groupes qui jouent tous les vendredis, samedis, dimanche, dans les différents quartiers. Donc les gens suivent lentement quand les groupes passent. Et quand les candombes se jouent en marchant dans la rue, dans Palan, à côté de tambour. Les candombes n'est pas aussi joyeux que la samba brésilienne, évidemment. Il est plus émotif et a un caractère guerrier et tribal. Certains l'accompagnent sur les côtés, et ceux qui dansent très bien quelque part avant les cortèges. À la tête va toujours une dame âgée qui danse très bien ou un noir qui lui aussi danse bien. Et les autres vont sur les côtés, sur le trottoir ou derrière, quoi. Ça, c'est une scène quotidienne tous les week-ends à Montevideo. Le candombe, donc, a perdu son côté religieux quand les Uruguayens se l'approprient et devient un pilier de la culture uruguayenne. Donc, il est le rythme afro par excellence de Montevideo actuellement. Merci, Gervasio. Et à la prochaine jamada.